collègue Maxime Tanguay. Collègue Mathieu Plante. Voilà. Tu connais l'émission Assemblage requis? Ça me dit quoi? Ça, c'est le matin entre 7h et 9h, puis c'est le fun. C'est bien le fun. C'est, okay, c'est ça. Ouais. C'est de bonheur, puis c'est le fun. C'est le fun de bonheur. Voici les meilleurs moments d'Assemblage requis dans ce qu'on appelle un instant classique. Voici les meilleurs moments d'Assemblage requis pour la semaine du 18 février 2013. Blablabla. Garfield aime pas les lundis. Nous, on aime ça. Je fais ça de la lasagne pour moi. Oh! J'ai une tranche de quelque chose. Une pointe d'ironie. Ouais, faisons ça. Encore? Ou... oui. Là, je parle. Oui, tu vois, OK. Je vais te comprendre un message ici. Gene Curtis d'Écosse a demandé le divorce en 2002 après avoir surpris son mari en train d'avoir des relations avec un poulet congelé. Fourré à dinde! C'est pas des farces? On fait des jeux de mots de dinde, c'est un poulet. Ouais. Sa fourrure au binturong, ça sent le popcorn. L'odeur viendrait d'une glande située près de la queue. Ça sent le popping corn. Fucking popping corn. Popping corn. Voyons. Aïe, aïe. C'est pas une moufette, mais si ça avait été une moufette, ça reste près du beurre pas mal. Ça. Qu'est-ce qui a été acclamé le nouveau gang hamster? Peut-être vous avez entendu parler du Harlem Shake. Oui. Ouais. On a quasiment pensé en faire un pendant la pause. OK, là, tout le monde est là puis parle normalement. Ouais, ouais, non, c'est ça. Là, tout le monde est normal. Puis là, quand ça part... Mais il y a comme juste Mathieu qui se shake. Fou. Ouais, là, il y a quelqu'un qui shake les épaules. Moi, j'ai un masque de lapin. C'est parti. Ah, puis là, tout le monde s'y sent dessus. Là. Wow! Alors, beaucoup de bris de matériel ici. tout le monde se pitch. Par 1 000 $, 2 000 $, 3 000 $. Qui dit mieux, qui dit mieux? Évidemment, je suis en bédaine huilée. Mais... ouais. Ça termine très bien ton extrait, ça, Mathieu. Pour l'instant, c'est Fox de Caïmoulette. C'est fou. Gros oreilles. Je voulais pas couper ton rire, excuse-moi. Non, tu l'as-tu vraiment fait? Tu veux vraiment voir quand il y a un froid dans le studio, quand Jean-Philippe remet son foulard? T'as mis son foulard? Oh, ben oui. Hey. Puis mes caches-oreilles. Oui. Je sais pas, peut-être qu'il se sent hipster tout d'un coup. Puis, Oh, hein, sors ton devoir, là, le devoir. Tu sais, écris des poèmes. Fais ton foulard de cappuccino. Oui. Stéphanie Paradis est toujours là. Toujours là à traîner dans le studio. À traîner. Traîner comme un paquet de passé. Qu'est-ce que j'en prends une? Je vais parler de même tantôt. Fait que peut-être je le ferai pas. Ça serait de la mauvaise radio, je trouve. On va juste prendre une dernière petite pause musicale, rapide, pour aller entendre Chanteur Chambaud. Ouais. Ah, bonne idée, ça. Ouais. Yeah! J'ai surévalué ma joie. C'était too much. Ouais, mais je suis content. Pasta baby. Pasta babies. Miam, miam, ravioli au bébé. Ça me ravit au lit. ravioli. Bon matin, bienvenue à Assemblage requis en ce jeudi 21 février 2013. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, François Olivier. Ah! Ah! Comme flashback. Comment ça, donc? Je suis de retour pour la dernière émission. Ben oui. Ma dernière émission ici à Assemblage requis. Exactement, ça fait 5 semaines qu'on t'a pas vu. Ouais, c'est ça, exactement. Écoute, j'étais... Ben, je suis encore. Moi. en congé parental. Car, en fait, j'ai eu un nouveau bébé, hein? Oui, un deuxième. C'est comme ça, exactement. Je m'en vais vendredi, en fait, demain. Ouais. Ma dernière journée. En tant que directeur général de C'est fou du journal Zone Campus. Du GME, exactement. Et puis, écoute, je m'en vais affronter un nouveau défi. Ouais. J'ai eu un poste, en fait, de directeur général dans un CPE. Ouais. Écoute, c'est un peu loin dans le coin d'Odanak, mais beau défi, écoute... je pense que j'améliore mon sort, là. En fait, l'idée, c'était un peu ça aussi. Oui, t'as une grande famille maintenant, 2 enfants. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, avec les enfants, je sais comment ça marche. Ouais, c'est ça. Je sais comment changer des cours. Ouais, 2, c'était pas assez. Non, je m'en vais avec 36. J'ai un peu de peine de partir, mais bon, écoute. Colin, prendre une chronique à son âge requis. Non, j'allais tellement dire ça. On se comprend. Mais écoute, c'est excessivement de bonheur et c'est 45 minutes d'auto. Donc, écoute, je pense que je vais partir vers le bulletin routier de François-Olivier à Dallac. Oh, il y a une police. Ah! Je suis dehors des boys. C'est un gros rapport de quelque chose à remettre. Ah, j'arrêtais pas de roter. Ben, c'est ça. Je voulais faire le lien entre toi et François-Olivier. Toi, tu faisais des rapports, puis il va faire des rapports. Ben, ça a tombé à plat à cause de toi. Mange donc. Ouais, c'est correct pour une fois que ça va dans ce sens-là. C'est toi qui me coupe l'herbe sur le pied. Exactement. Tu nous as promis bien des choses à travers les années des chroniques que tu n'as jamais fait finalement. C'est ça, exactement. Est-ce que tu as envie de faire une chronique de François-Olivier? Oui. Écoute, tu me prends un peu de cours. J'avoue que les idées, j'en ai pas tant. Je pensais à me dire, genre, mettre des fausses choses sur ton CV pour avoir un job dans un CPE. Mais ça, c'est pas vrai du tout. Hey, j'ai pas fait ben ça. Ben non. Tu vas pas dire. La chronique de François-Olivier. Force ma job. Ben oui, c'est déjà fait. Tu vas revenir animer avec moi, c'est ça? J'espère qu'il y en a qui ont préparé des poèmes, là, genre, qui vont sortir leur verve, là. C'est très beau. Peut-être, on va voir. Ce plan va sortir sa verge. Hey! Moi, j'ai mis les dessous sexy. Mangeable. Parfait. Porte-cartel mangeable. Ben oui, Mathieu Plante, il déjeune pas le matin. Non, c'est ça, fait que je garde de la place pour les vêtements de Jean-Philippe. David Ferron, allô! Bonjour, je suis content que tu partes. Oh, ça commence mal, là. Oui, je vais t'expliquer pourquoi. Vas-y. Parce que à cause de ton mot tadine de peau maçon... Mais c'est qui a mon pot maçon? Ils sont obsédés par ton pot maçon. Hein? Oui, je vais expliquer pourquoi. Parce que quand j'étais ton employé... Il était vendeur de pub. Faut mettre les gens en contexte. Ah, il traînait sur ton bureau. Oui, tout le temps. Tu le mettais tout le temps sur mon bureau. Tu sais, au lieu de le mettre sur ton bureau à toi, tu faisais comme... Hey, je suis cool, j'écoute Melon Colin. Je vais pouvoir mettre un pot maçon sur le bureau du vendeur. Je suis hot. Hey, avant aussi, ça te perturbait à ce point-là. Oui. Je te l'aurais sacré sur la tête. Exactement. Ça a été vraiment un plaisir de travailler avec toi. C'était un plaisir pour toi aussi. Écoute... Pour toi aussi. Tellement cocasse. Mais non. Je vais m'amener ces moments-là. On dirait que ça me met mal à l'aise, mais en même temps. Gustave voudrait te demander en mariage. OK. Gustave, qui est l'alter ego de David Ferron. Oh, bonjour François, comment vas-tu? François, épouse-moi, s'il te plaît. Je t'aime tellement, François. Il s'épouse par une poignée de main, j'ai vu. Devant moi, c'est comme moi qui dois témoigner. C'est toi l'officier, wow. Est-ce que quelqu'un se pose? Index. Je me souviens encore de la première fois que j'ai parlé à FO en studio. Il m'a dit Anne-Jolie. Il me passe en entrevue. C'est un lapsus en plus. C'est vrai, exactement. Dans le cadre des élections, ouais. T'as été élu. Fait que, mais oui, ça a bien fonctionné, merci. Il n'y a pas dit ça à la chaise, là. Non. Fait que, je pense que je ne l'ai jamais avoué sur les ondes. Mais oui, je t'aime, Matt. On finit ça sur une belle note comme ça. Ouais. Char, ça me fait peur, écoute, mais je vais toujours penser à vous autres. Vous êtes comme... C'est comme ma deuxième famille. Il faut vraiment m'ennuyer. Bon, je sais pas quoi dire. J'ai goût de m'en aller. On va s'ennuyer. Ben oui. C'est donc triste. On peut pas pleurer parce qu'on est tellement viril, là. Ben non, on est très viril. Wow. Tu sais, parler de... Hey, là, c'est pas des affaires de même, là. Non. Mais non, c'est vraiment triste et émouvant. Oui, tout à fait. D'ailleurs, j'ai pas eu la chance d'être là ce matin, mais je veux quand même transmettre toutes mes salutations, tous mes remerciements les plus sincères, ainsi qu'un beau bonne chance dans les nouveaux horizons que va explorer François-Olivier. Tout à fait. J'aurais dû t'inviter, hein, Mais j'avais eu l'invitation, mais j'ai vraiment juste, malheureusement, étant dans une coupe universitaire par-dessus la tête, j'avais des trucs à faire ce matin, mais j'aurais aimé. J'étais là en pensée, ça, c'est sûr et certain. Ouais. Il y en a plein qui ont été là en pensée ce matin. Mais oui. Il sème tellement de l'amour autour de lui. Exactement, c'est ça. Donc, concrètement, il y a vraiment un type de... Non, c'est pas vrai. Continue. Excuse-moi. Retrouvez donc François-Olivier ailleurs, cassé fou, dans son CPE à Odanak. Nous, on va continuer de co-animer ensemble. Ce sera Jean-Philippe Charbonneau et moi. Oui. Toute la semaine, du lundi au jeudi de 7h à 9h. C'est officiel, c'est confirmé. On allait l'annoncer lundi à l'émission, mais ça, en même temps, c'est comme un petit peu évident. C'était écrit gros dans le ciel, là. Exactement. Bon. Donc, bonne chance, François-Olivier, on t'adore. Et voilà.